pour te faire pécher. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali. Alinipenda wala akujali udhaifu wangu. Akanionesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Uyu halali wala sinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Lève ta voix, continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Endelea kuomba. Adèle, j'ai besoin d'une atmosphère de prière et de miracle. Élève ta voix, continue à prier. Nous avons besoin d'une atmosphère de prière. Et je vais travailler comme ça même pendant la prédication. J'ai besoin d'une atmosphère de prière. Élève ta voix, continue à prier. Alléluia. Jésus. Oh, il est merveilleux. Commence à prier le Seigneur bien-aimé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ne rate pas la journée d'aujourd'hui. Ne rate pas la journée d'aujourd'hui. Il y a une grâce de Dieu pour toi aujourd'hui. Il y a une grâce de Dieu. Il y a une grâce de Dieu pour toi. Le Dieu qui écoute la prière. Le Dieu qui guérit les malades. Le Dieu qui habite au milieu de son peuple. Tu n'es pas seulement resté au ciel. Tu as décidé de descendre. Tu as décidé d'habiter. Tiens-toi debout, commence à prier. Nous sommes debout en train de prier. Tiens-toi debout, commence à prier. Oh, commence à prier. Prie le Seigneur. Il est là ce matin. Il est présent ce matin. Bien, mais tiens-toi debout, commence à prier. Tiens-toi debout, nous tenons debout. Nous sommes en prière. Oui, il y a quelque chose que je devais faire ce matin. Sois connecté, bien-aimé. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh merci Jésus. Accente Yos. Merci pour ta présence. Accente quoi ouépo. Je bénis la Paris qui cette présence qui guérit. Je bénis cette présence la Paris qui ouépo qui libère. Je bénis cette présence qui libère. Qui guérit les malades, oh, qui tasse les démons, oh. Qui relève les gens, qui sont nus, qui les célèbre, malgré les lois des hommes. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Nous voulons pratiquer ta parole. Oh, tu fais des choses. Tu fais des choses. Ike Yarabos. Que ta grâce soit là, que ta présence soit là. Remplissez la maison de l'Éternel. La gloire de Dieu Dieu, remplissez la maison de l'Éternel. Qu'elle remplisse maintenant. Qu'elle remplisse ces lieux maintenant. Dans tous les coins et recoins. La gloire de Dieu. Du fond de mon être. Alléluia. Pour la rivière. La rivière de son de la vie. Oh, merci Jésus. Alléluia. Du fond de mon être. Bien-aimé, commence à élever le Seigneur. Prie. Pour la rivière. C'est un jour particulier pour toi. Que ça coule ici et maintenant, que ça coule encore. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci ce matin. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a toujours une atmosphère spirituelle qui permet de faire un miracle. Qui dispose ton cœur à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et j'aimerais que ce matin, que tu restes connecté au Seigneur. Que tu restes connecté au Seigneur. On peut s'asseoir. Lève ta main là où tu es. C'est bien de louer, c'est bien de chanter. Mais que tout t'amène à être connecté au Seigneur. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce matin. Asante kwa uwepo wako asubuhi ya leo. Je crie à toi, ô Seigneur. Nyakwako e Bwana. Je crie à toi. Pour la présence du Saint-Esprit. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et tu n'as pas déjà pas confié. Oh, il est présent. Il est présent. À quoi on passe? J'aimerais que tu sois attentif ce matin. Il est bien où est mon équilibre. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut toucher la vie de quelqu'un ce matin. Actes chapitre 4. À partir du verset 7 jusqu'au verset 12. À chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 12. Ce mois de juillet, nous voulons prier pour des guérisons. Et c'est un mois de guérisons. Un mois de guérison. Grâce, j'ai besoin de toi au clavier. C'est un mois de guérison. Nous voulons que le Seigneur nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce pendant ce mois de juillet. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Comment tu seras guéri? Comment tu peux être guéri? Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour la parole de ce matin. Nous nous recommandons à ta grâce. Et recommandons toute l'Église. Merci Saint-Esprit. Pour ton œuvre et pour ta présence. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes après la Pentecôte. Nous sommes après la Pentecôte. Et il y a des choses formidables. Ma prière ce matin. Et que Dieu nous fasse grâce. Qu'il fasse grâce à chacun de nous. Et j'aimerais, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, que tu fixes tes pensées, que tu fixes ton cœur. Pour que le Seigneur te touche. Quand tu viens à l'église, parce que tu crois. que Dieu peut changer quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Crois. Amen. Crois. Amen. Tout. Et pratique cela. Pratique la parole de Dieu. Dieu est capable ce matin de changer quelque chose dans ta vie. Il est Dieu pour ça. Le thème de ce matin, ou ce que Dieu m'a mis à cœur de dire, est d'introduire le mois de juillet. C'est que Dieu te veut en pleine santé. Alléluia. Amina. Regarde ton voisin. Dis-lui, Muhambie. Dieu te veut en pleine santé. Mungu anapenda kukuona afya. Pendant qu'on chante que ça coule, que ça coule. Dieu veut Mungu anapenda te voir en pleine santé. Kukuona mu afya. Dieu te veut Mungu en pleine kupenda santé. Ona afya nzuri. Oh bien-aimé, Mupendwa. Après la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, quand ils ont commencé à parler de nouvelles langues, la première chose que les apôtres ont fait, c'est la guérison. Ils n'ont pas multiplié les pains. Ils n'ont pas parlé de beaucoup de choses. Le premier miracle, ils ont rencontré un homme boiteux, un homme qui était malade, qui a passé sa vie malade, boiteux tous les jours. On est placé à la porte. Il vivait comme ça. Même les églises de cette époque-là, Jésus l'a laissé là-bas. Les églises le voyaient là-bas. Il était toujours boiteux. Il était toujours malade. Mais après la Pentecôte, ils n'ont pas multiplié les pains. Après la Pentecôte, le premier miracle, ils ont guéri les malades. Frères et sœurs, c'est que dans le salut, dans le ministère de Jésus-Christ, la guérison a sa grande place. Alléluia. Amina. Il n'y a pas de salut sans guérison. Oh, c'est pourquoi ce matin, ma prière, tout celui qui est malade et qui met sa foi en action, que Dieu te visite même avec le message, etc. Le premier miracle, ils allaient au temple. Ils ne sont pas entrés pour faire des offrandes extraordinaires. Ils ne sont pas entrés pour chanter de façon extraordinaire. Quand ils ont quitté la chambre haute, ils ont rencontré un malade. La première rencontre, c'est rencontrer le malade. Oh bien-aimé, aujourd'hui, le dernier dimanche de juin, tu es en train de commencer que le Seigneur rencontre celui qui est malade. Alléluia. Amina. Oh, ça j'aime. La guérison. La guérison. La première chose. Après la Pentecôte. La première chose après la Pentecôte. La guérison. Ils ont rencontré ces boiteux. Comme on l'a vu la dernière fois, Pierre et Jean lui ont dit, fixe-nous. Oh bien-aimé, ce matin, tu ne peux pas recevoir dans ta vie C'est sur quoi tu n'as jamais fixé les yeux. Alléluia. Amina. Il y en a qui sont dans le temple. Qui ne fixent pas les yeux sur le Seigneur. Qui ne fixent pas les yeux sur leur guérison. Oh, ce matin, fixe tes yeux sur ta guérison de la maladie qui te fait souffrir. Et c'est pourquoi en ce moment, il faut que la chorale nous aide. Une atmosphère qui va nous permettre de fixer nos yeux sur les problèmes qui nous dérangent pour avoir la solution. Ce matin, si tu es malade, fixe tes yeux quelque part. Ils ont dit, fixe-nous les yeux. Oublie tout. Fixe les yeux sur le Seigneur. Oublie les gens qui t'ont donné l'argent. Oublie les gens qui t'ont promis. Oublie tous les gens qui te passent, tous les visiteurs. Ce matin, fixe les yeux sur le Seigneur. Il a fixé les yeux. Et lui ont bien dit. Maintenant, ce n'est pas l'argent. Maintenant, ce n'est pas l'or. Ils sont passés. Ils n'ont pas changé ta vie. Oh, bien-aimé, il y a deux moments dans la vie. L'argent ne travaille plus. L'or ne travaille plus. Il y a deux moments. Et aujourd'hui, ma prière est que Jésus travaille dans ta vie. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et d'un coup, cet homme a marché. Parce que ses yeux étaient fixés sur le Seigneur. Sur le Seigneur. Vraiment, Dieu, on ne le voit pas. Mais il y a un Dieu qu'on voit. Les serviteurs de Dieu. Ils ont dit, fixe les yeux sur nous. Même dans le livre d'Exode. Quand Moïse a traîné. Ils ont dit, non, ce Moïse a traîné. Aaron. Fabrique-nous un Dieu. Que nous allons voir. Dieu. C'est que l'homme a besoin de voir. C'est pourquoi dans une église, croyez dans le Dieu de votre Père. Voyez-le. Vous recevrez des miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que j'ai dites, je ne vais pas répéter. J'espère que Dieu nous a fait grâce. Cet homme guérit. Ils entrent tous dans le temple. Cet homme commence à louer Dieu. Les apôtres aussi entrent dans le temple. Quand ils entrent dans le temple, les gens commencent à les regarder. Ils regardent les apôtres. Les apôtres leur disent non. Ne nous regardez pas nous. Comme si c'est nous qui avons fait ce miracle. C'est Jésus-Christ qui a fait ce miracle. Frères et sœurs, ce matin, je prie et je continue à prier. Celui qui est malade et qui met sa foi en Dieu aujourd'hui, que ça soit une différence dans sa vie. Alléluia. Amina. quand ils ont fait cela, l'église était dépassée. Les Sanhédrin étaient dépassés. On les a convoqués au tribunal. Appelés le Sanhédrin. Au tribunal, c'est pour être jugé. Laisse-moi te dire quelque chose. Les hommes seront toujours là pour te juger chaque fois que tu auras fait un bienfait. Les hommes jugent toujours les bienfaits. Fais quelque chose de bien, frère. Fais quelque chose de bien dans ce pays. Fais quelque chose de bien pour l'église. Les hommes te jugeront toujours. Et les jugements, généralement, commencent parmi les frères et sœurs de l'église. C'est comme ça que ça a commencé dans le Sanhédrin. Oh, mais ce matin, ne t'arrête pas de faire du bien. Parce que même quand les hommes te jugeront, le Seigneur te justifiera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui n'aiment pas voir les autres faire du bien. Il y en a qui n'ont même pas de raison de détester les gens. Ils n'ont même pas de raison. Il a fait du bien. Lui n'a rien dit. Oh, Anérion. Il est en train de se voir. Anérishiki. Il est en train de se voir. Non, bien-aimé. Convoqué au Sanhédrin. On les a placés au milieu. Parce qu'ils ont fait le bien. Écoutez le verset 7. On leur pose la question. Par quel pouvoir au nom de qui avez-vous fait cela? Je comprends, bien-aimé. Il y a un pouvoir capable de guérir. Je prie ce matin que le pouvoir de guérison soit répandu dans la salle au nom de Jésus. Le pouvoir du Saint-Esprit qui guérit les malades qui soit répandu au nom de Jésus. Ils ont compris qui a un pouvoir qui guérit. Frères et sœurs, il y a un pouvoir qui guérit. Ils ont compris qu'il y avait un pouvoir. Oh, je m'imagine bien aimé que les médecins de l'époque, ils ont suivi les Sanhédrin. Ils ont dit que s'ils continuent comme ça, nous, nos affaires vont iront par terre. Il y a les commerçants qui ont pensé qu'il fallait seulement aller dans les pharmacies. Il y en a qui ont dit qu'il fallait seulement donner l'argent. Mais quand c'est arrivé, ils se sont dit il y a un problème. Venez d'abord. Dites-nous par quel pouvoir. Qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez faire cela? Oh, je vais dire à quelqu'un. Bien-aimé, après la Pentecôte, nous sommes dans l'ère d'après la Pentecôte. Il y a un pouvoir. Il y a le pouvoir des guérisons. Il y a le pouvoir des guérisons. Qui est là ce matin. Il y a le pouvoir de guérison. Dieu est capable de guérir. Cet homme n'est pas né après Jésus-Christ. Jésus l'a laissé. Mais après la Pentecôte, les choses ont changé. Et aujourd'hui, n'accepte pas qu'après la Pentecôte, Que les mêmes choses continuent. Que la même maladie continue. Non, bien-aimé. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Il y a le pouvoir de guérison. Ce matin, je suis venu parler du pouvoir de guérison. Dieu te veut en pleine santé. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Dieu te veut en bonne santé. Dieu lui-même connaît, non. Dieu te veut en pleine santé. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont conditionnés. Hôpital, médicaments, Mais arrête-toi un moment. Il y a quelqu'un sans or, sans argent, mais qui guérit les maladies. Je crois dans la puissance de la guérison. Et je veux parler de la guérison divine. Tout le mois de juillet. Et nous irons. Pourquoi expliquer que nous allons à l'hôpital? On ne leur amène pas les médicaments. On prie pour eux. On croit que Dieu peut les guérir. Pourquoi? Nous croyons que Dieu peut les guérir. Là où ils ont des médicaments. Ils ont des médicaments. Je me rappelle un jour, je suis à l'hôpital. À la pédiatrie. Je suis parti voir juste quelqu'un. J'entre dans la chambre de cette personne. Je prie. Quand je vais sortir, tous les malades disent, pourquoi tu fais ça? Et nous, j'ai d'abord demandé pardon. J'ai dit, ok, je me mets au milieu de la salle. Nous allons prier. Oh bien-aimé, il y a quelqu'un qui sait guérir. Alléluia. Oh, je vais parler de la guérison. Je sens dans mon cœur que Dieu va guérir quelqu'un. Il va guérir quelqu'un aujourd'hui. Dieu va guérir quelqu'un. Ta maladie là, aujourd'hui, elle va disparaître. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a un pouvoir. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Bien aimé, avec la Pentecôte. Pierre leur a dit au chapitre 2, le verset 39, il leur a dit, la promesse est pour vous. Donc Pierre était convaincu que toute promesse de Dieu a une réponse. Il n'y a aucune promesse de Dieu dans la vie de quelqu'un qui va rester sans accomplissement. C'était ça la Pentecôte. Quand Pierre expliquait, mais ce n'était pas seulement le parler en langue. Parfois on se vante de certaines choses. Oui, on prophétise, c'est bon. Mais après, Pierre s'est levé. Dans Acte 2, je pense au verset 38 ou 39. Pierre leur a dit, la promesse est pour vous. Pour vous. Pour ceux qui vont croire, même s'ils sont en plus grand nombre, cette promesse, c'est pour eux. Frères et sœurs, la Pentecôte signifie l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est la plus grande promesse depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Tout le monde attendait le Saint-Esprit se réaliser à plus forte raison ta guérison. Pourquoi tu souffres? Tu n'as peut-être pas entendu qu'il y a un Dieu capable de guérir. Aujourd'hui, je suis venu te parler de Dieu qui guérit. Capable de guérir. capable de guérir. Mwenye anaweza kuponya. Capable de guérir. Mwenye anaweza kuleta matunzo. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Basi Petro mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Parle aux chefs du peuple et aux anciens d'Israël. Akasema na akida wa taifa na wazee wa Israeli. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui. Sur un bienfait accordé à un homme malade. Je m'arrête d'abord là-bas. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. L'attitude du monde. L'attitude du monde n'est jamais correcte. C'est pourquoi la Bible dit n'aimez pas le monde. Ni ce qui se passe dans le monde. Un malade guéri. Un seul. Les gens se fâchent. Les mêmes personnes qui lui donnaient l'argent. Qui lui donnaient l'or. Qui lui laissaient le monde. N'ont pas voulu que ce malade soit sur ses deux jambes comme eux. Réfléchissons. Les mêmes personnes qui te donnent la farine. Qui te donnent l'argent. Ne veulent pas. Que tu aies l'argent comme eux. L'autre là qui te paye les études. Il ne veut peut-être pas que tu sois comme ses enfants. Mais tu viens chaque jour te demander et tes dons. C'est ça le monde. Le monde ne veut pas généraliser les bienfaits. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Non, on a ni peine d'assassin. Non, il m'aime tellement. Il y a 5000 francs. Il me donne 5000 francs. Mais il ne voudra pas que tu aies un magasin comme lui. Le jour que tu as un magasin comme lui, il vient et dit, comment cet homme? Même l'aide que nous recevons des pays occidentaux, ils ne voudront jamais que nous soyons comme eux. Vous pensez que l'Europe veut que l'Afrique soit comme l'Europe? Même s'il y a l'aide au développement. Oh, bien-aimé. Plusieurs personnes. Se contente des miettes. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Que l'homme. Même s'il te donne. Il ne veut pas que tu le dépasses. Il ne veut pas que tu sois comme lui. Tu triches chez quelqu'un. On a quoi naibia kwa mwingine. Ceux qui trichent hein? En classe. Et puis tu as 10 sur 10. Pata 10 sur 10. Celui à qui tu as triché, il a 5. Mwenye ule ulibia anapata 5. Je pose la question. Na swali. Disons-nous la vérité. Tuseme kweli. Est-ce que la fois prochaine va te montrer? Eti siku nyingine atakuonesha. Il va te montrer. Atakupa tena. Il va te montrer. Ataacha uibie. Pourquoi il ne va pas te montrer? Tu as nini? Parce que tu l'as dépassé. Pierre leur dit, vous ne voulez pas un bienfait accordé à un homme malade. Vous m'avez même arrêté. Il a passé 24 heures en prison. Parce que c'était déjà le soir. Et le lendemain, on l'appelle au tribunal. Explique-nous. Pourquoi tu as guéri cet homme? Pourtant, il devait être dans la joie. Oh, notre frère. Oh, bien aimé, dans la Bible. Dans Jean chapitre 9. On parle de quelqu'un qui est né aveugle. La famille souffrait. Pour cet enfant, pour habiller cet enfant, pour l'amener, je ne sais pas là où on devait l'amener. Mais le jour où Dieu l'a guéri, on a appelé les parents. Est-ce que c'est votre enfant? Ils ont dit, il est grand, posez-lui lui-même la question. On l'appelle au tribunal, comme toujours. Il y a toujours des gens pour juger. Frère, aujourd'hui nous prions. Nous jeûnons. Nous nous couchons par terre. Demain, Dieu t'élève. Il y a des rions à dire. Comment est-ce qu'il est entré de ce monde? Il va que le monde lui appartient. Les gens vont oublier que tu cherchais ta face. Alors que la maman passait du temps à prier. Pierre, il dit, vous me demandez aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. C'est un seul qui était malade qui est guéri. Eux ne sont pas malades. Sa guérison ne les touche pas. Bien aimé, il y en a dans la vie qui pensent qu'ils ont échoué parce que l'autre a réussi. Pour rien. Ils ont l'autre a réussi. Dieu lui fait grâce. Il y en a qui pensent que j'ai échoué parce que l'autre a réussi. Non, bien-aimé, réjouis-toi avec celui qui te réjouit. Parce que cette grâce va aussi tomber sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une maman marie maman ses enfants. Réjouis-toi. Viens au culte de mariage pour les enfants d'autrui. Parce qu'on viendra aussi pour tes enfants. Quelqu'un qui s'accouche, va visiter. Donne l'offrande. On donnera aussi l'offrande à tes enfants. Même quand tu ne seras pas là. Oh, moi, je n'ai pas des enfants pour moi. Mais tes enfants ne mettront pas moi. On ne va pas les marier ou pas. Oh, bien-aimé, on accorde un bienfait à un malade, mais eux, ça devient un problème. Et Pierre leur dit, nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Afin que nous disions comment il a été guéri. Oh, ça j'aime. Pierre leur dit, écoutez, aujourd'hui, je vous dirai comment il a été guéri. Aujourd'hui, je suis venu dire à l'église comment tu seras guéri. Je suis venu dire à quelqu'un comment tu seras guéri et par quel pouvoir. Tu seras guéri. Effectivement, aujourd'hui, tu seras guéri au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le jour de la guérison. Le jour de la guérison. où il y a une atmosphère de guérison. Une atmosphère de guérison. Oui, il commence à monter, il y a une atmosphère de guérison. Je prie maintenant, pendant que tu écoutes ce message, aujourd'hui, quelle que soit ta maladie, il y a une atmosphère de guérison. Dieu va guérir quelqu'un. Bien aimé, nous avons vu pendant la semaine qu'il y a des maladies. Qui sont la preuve des malédictions. Oh, parmi les signes de malédiction, nous avons donné cet signe de malédiction. Nous avons vu qu'il y a un autre signe. C'est des maladies héréditaires, des maladies chroniques, des maladies récurrentes. Des maladies récurrentes. Je prie ce matin. Bien-aimé, parce que ça ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, cette maladie-là va quitter ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, il y a un pouvoir qui guérit les maladies. C'est le nom de Jésus, c'est le pouvoir de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et après la Pentecôte, le Saint-Esprit est là pour guérir ton corps malade, même les maladies les plus difficiles. Personne ne pouvait imaginer que quelqu'un qui était né boiteux, frères et sœurs, ça signifie les os étaient déformés depuis la naissance. Oh, dans la vie de quelqu'un, il y a des os qui sont déformés depuis ta naissance. Il y a des organes qui ne fonctionnent pas depuis ta naissance. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, tu vas recevoir la guérison. Alléluia. Amen. Tu as des problèmes de sang. Tu as des ulcères. Tu as des dysfonctionnements. Depuis la naissance. Moins encore. Depuis quelques années. Depuis quelques jours. Tu penses que quelqu'un guérit d'un problème de naissance? Dieu ne saura pas te guérir, toi qui as un problème de quelques jours. Toi qui es malade depuis 2020, depuis 2022, depuis 2018, il y a une bonne nouvelle. Dieu a guéri les gens qui sont nés avec. Dieu a guéri les gens qui sont nés boiteux. Ils ont été guéris. Les parents étaient étonnés. Les médecins étaient étonnés. Oh, frères et sœurs, Dieu ne masse pas suivant les diagnostics des hommes. Dieu ne masse pas suivant les opinions des hommes. La Bible dit, Luc chapitre 1er, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Et dans Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la guérison. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que l'ange a dit à Marie. Dans Luc chapitre 1er verset 37. C'est ce que l'ange a dit à Marie. Rien. Rien. C'est impossible. À Dieu. Rien. On n'avait jamais entendu. Qu'une femme sans homme a conçu un enfant. Oh, frères et sœurs, tu es dans un cas dont on n'a jamais entendu parler de la guérison. Dieu aime ces cas-là. Probabilité zéro. Probabilité zifuri. Ça ne s'est jamais fait. L'ange lui dit, Marie, ne t'en fais pas. L'ombre, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. La guérison des hommes a un schéma. Des examens, des consultations, des prescriptions médicales. La guérison des hommes a un schéma. On doit aller à l'hôpital, des examens, des laboratoires, échographie, tout ce que vous voulez, scanner, prescription. Le médecin prescrit, il prescrit les médicaments. Mais la guérison divine, ce matin, à son schéma, c'est la parole de Dieu. Si tu crois dans la parole de Dieu, tu seras guéri. Tout est dans la parole. Le miracle est dans la parole. La guérison est dans la parole. Frères et sœurs, c'est la parole. C'est la parole. La parole guérit. La parole guérit. Elle guérit. Elle guérit. Ce n'est pas seulement reçu le Saint-Esprit. Quand j'ai cru, non, bien-aimé, aujourd'hui, en plus du Saint-Esprit, je veux la guérison. La guérison. Tu dois être guéri de la tête à tes plantes de pied. La guérison. Oh bien-aimé, Dieu te donne sa parole. Saisis la parole. En quittant ces lieux, tu verras un miracle. Tu n'auras plus besoin d'aller à l'hôpital. Tu n'auras plus besoin de voir ce médicament-là. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, il faut prier pour les malades. Les malades seront guéris. Je prie aujourd'hui. C'est le jour des guérisons. C'est le mois des guérisons. La guérison est possible. Alléluia. Amen. La guérison est possible. La guérison est possible. Elle existe. Elle existe. Le monde voulait voir. On appelle Pierre. En fait, les Sanhédrin, c'est vrai, d'un côté, ils étaient jaloux. Mais de l'autre côté, ils voulaient quand même connaître comment ça se passe. Frères et sœurs, aujourd'hui, tu vas montrer au monde comment ta guérison a eu lieu. Wow. Alléluia. Amen. Tu vas montrer. Tu vas leur montrer. Comment la guérison a eu lieu. Namna kani ulipata matunzo. Comment la guérison a eu lieu. Namna kani. Oh, mettez le verset d'ici, il est intéressant. Oh, c'est intéressant. Inakuwa ya mzuri. Oh, bien-aimé. Wapendwa. Regarde comment le verset commence. Tazame namna gani verset. C'est extraordinaire. Pierre leur dit, sachez-le tous. Source féconde. Sachez-le vous tous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu des guérisons. Dieu des guérisons. Saint-Esprit. Saint-Esprit. ce matin. Oh, alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu de guérison. Quelqu'un est malade ce matin. Sachez-le tous. Et que tout le peuple le sache. Pas seulement nous tous ici. Mais tout le peuple. Tout le peuple d'Israël. Pas seulement les gens qui te regardent. Pas seulement les gens qui te contactent. Pas seulement ton médecin. Non, bien-aimé. Pas seulement ta famille. Mais tout le peuple d'Israël. Il faut que le peuple délicasse sache cela. Il faut que ta famille sache cela. Ta maladie jusqu'au maintenant, c'était pour que ta famille sache. Même ton médecin. Pourquoi tu ne peux pas amener ton médecin au Seigneur? Pourquoi tu ne peux pas amener tout le corps médical au Seigneur? Il t'appelle, il te dit comment tu as été guéri. La prochaine fois, quand il va t'examiner, il fait l'échographie du ventre. Il met partout. Il met le liquide là qu'on met. Il met partout. Il fait l'échographie des jambes. Il fait l'échographie de la tête. Il te regarde. Comment tu as été guéri? Et pendant que je parle, frères et sœurs, fixe tes yeux sur le Seigneur. N'aie pas l'habitude de venir à l'église comme ça. Fixe les yeux sur le Seigneur. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux l'avoir acclamé pour le nom de Jésus-Christ? La façon dont tu acclames conditionne ta guérison. La façon dont tu acclames libère la guérison de Dieu maintenant. La façon dont tu acclames libère l'atmosphère. La façon dont tu acclames pousse le Saint-Esprit à travailler dans ton corps. La façon dont tu acclames montre ta foi. La façon dont tu acclames pousse Dieu à bouger sur son trône. La façon dont tu acclames oblige les anges à se déployer. La façon dont tu acclames, la puissance est répandue. La façon dont tu acclames, la guérison commence à couler. La façon dont tu acclames, le miracle est là. Le miracle est là. La guérison est là. Au nom de Jésus, tu acclames pour le nom de Jésus. Tu acclames pour le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Jésus. Et Kabo Sara. C'est le nom de Jésus. Una shangilia jina ya Yesu. C'est le nom de Jésus. Ni jina ya Yesu. C'est le nom de Jésus. Ni jina ya Yesu. C'est le nom de Jésus. Ni jina ya Yesu. Ma maladie magonjwa est en face du nom de Jésus-Christ. La malaria est en face du nom de Jésus-Christ. L'hypertension est en face du nom de Jésus-Christ. Le diabète est en face du nom de Jésus-Christ. Le problème de cœur est en face du nom de Jésus-Christ. Tu es boiteux. C'est enfant du nom de Jésus-Christ. Ton fils est malade. C'est enfant du nom de Jésus-Christ. Ton père est malade. C'est enfant du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. C'est le pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Le pouvoir, c'est le nom de Jésus. Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Mungu amibariki, munaweza kuka. Regardez le verset 10 à la fin. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé de vous. Je reprends encore. C'est par lui, donc par Jésus-Christ, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ah, je comprends. Cet homme est resté boiteux toute sa vie. Il se présentait boiteux. Tu te présentais malade ou malheureux. Parce que tu n'avais pas encore rencontré Jésus-Christ. Il y a beaucoup de textes dans la Bible. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Qui nous montrent que Dieu est un Dieu qui guérit. Quand ma wamini, tu ne seras pas guéri. Si tu ne crois pas, au taponyeshe wa tasikumot. Ou ta usama dawa. Va payer des remèdes. Ou ton aba médecin, aba médecin. Tu consulteras tous les médecins. Oh bien-aimé. Ou pendoa. D'ailleurs, j'aime ce qu'on dit à l'hôpital. Nous, à l'hôpital, on nous donne les soins. On nous donne les soins. On nous soigne. Donc, quand tu as une plaie, on va donner les soins à la plaie. Mais quand tu viens devant Dieu, il guérit. Beaucoup de gens vivent avec des calmants. Des calmants. Madawa ya kupolesha. Madawa ya ku matunzo ya muda ya kutularisha hapo ya ku de fois on m'acclame mingi na tularisha ka tu bushingisha mais la guérison la kini matunzo ya kweli on n'en veut pas tu es bien il y Hier, pendant que je préparais ce message, comme j'étais au bureau presque toute la journée, quelqu'un est venu me rendre visite. Un homme, une autorité. Je dis, ah, je suis content, ça fait longtemps. Comment ça va? Je dis, le pasteur, ça ne va pas. Je dis, pourquoi ça ne va pas? Je dis, maintenant mes yeux, je ne vois presque plus. Je lui pose la question. Tu as vu les ophtalmologues? Oui, pasteur. J'ai commencé à Kinshasa. J'ai vu tous les ophtalmologues. J'ai changé de lunettes. D'ailleurs, maintenant, j'en ai deux. Mais je sens que mes yeux sont partis. De toutes les façons, je suis presque à la retraite. Je lui dis non. Moïse n'a pas porté les lunettes jusqu'à sa vieillesse. 120 ans. 40. Moïse n'a pas trouvé un ophtalmologue. Je ne veux pas citer Abraham. Je ne veux pas citer Noé. Je cite seulement Moïse. Il n'a pas mis de lunettes. Et je lui donne un témoignage. Je dis, quand je suis venu au Seigneur, j'étais en prépo. Septembre 90. On avait deux frères camerounais et deux sœurs de la même famille qui nous ont amenés, qui nous ont aidés à grandir dans la foi. On avait l'habitude sur le campus à l'Unikin, au plateau, bon, il y a un endroit, on appelait ça plateau. Plateau parce que c'est plat. C'est là qu'il y avait des médecins, des professeurs. Mais il y avait un endroit où il y avait une sorte de cercle hippique. Cercle hippique, de course de chevaux. Oui. Alors, de temps en temps, on allait là-bas en brousse pour prier. On priait. En 91, je pense. Alors, il y a une sœur avec qui on priait. Qui nous dit, on a prié presque toute la journée, on était en retraite. Et le soir, elle nous dit, je suis fatigué des lunettes. Et dit pourquoi? Il dit non, dans notre famille, tout le monde met des loupes. Et c'était des loupes, ce n'est pas des lunettes. Bon, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Invite le problème des yeux seulement. Alors, elle dit, je suis fatigué. Tout le monde, évidemment, dans la famille mettait des loupes. Elle dit, aujourd'hui, je dois me débarrasser de ces lunettes. Si Dieu ne peut pas me guérir des yeux, comment je serais sûr qu'il va m'enlever pour aller au ciel? Nous tous, on la regarde, après on dit, hein? Parfois, nous prions. Nous prions seulement. On la regarde, on dit, hein? Elle dit, non. Aujourd'hui, elle est partie même plus loin. Elle n'est pas sous là. Elle a même cassé ça. C'est pourquoi je ne sois pas tenté de les remettre. Vous là, vous priez pour moi avec ma foi. Je vivrai sans lunettes. Elle se met à genoux. Vous savez, il y a des prières où on t'appelle à prier. Vous avez déjà placé la foi. On a prié. On a fini. On est rentré un peu difficilement. Bon, elle est arrivée chez elle. Son papa était prof à l'université. Prof en économie. Elle était en droit, sa soeur était en économie. Elle rentre. Dimanche, on devait aller à l'église. Trinité, c'est entre Rigini et Campus. On part difficilement. À un moment donné, on a même oublié. Elle a vécu sans lunettes. Elle a terminé sans lunettes. Elle vit sans lunettes. Frères et sœurs, Dieu guérit celui qui a la foi. De toute la famille, elle refuse cette loi sur sa vie. Le problème n'est pas qu'il y ait un problème dans la famille. De toute la famille, sa soeur avec qui on a continué à prier, elle mettait des lunettes. Sa grande soeur mettait des lunettes. Son papa professeur mettait des lunettes. Ses grandes soeurs qui avaient déjà fini mettaient des lunettes. Sa maman mettait des lunettes. Mais de toute la famille, elle seule, frère et soeur, ce n'est pas parce que c'est un problème de famille que ça te donne raison. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Donc ça signifie qu'il y a deux personnes sur la terre. Deux personnes. Devant lesquelles rien n'est impossible. Quand je prends Luc 1, 37 et Marc 9, 23, je me rends compte qu'il y a deux personnes sur la terre devant lesquelles rien n'est impossible. La première personne, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est celui qui croit. Tu es de quel côté? Aïna Pakamungu, ce pouvoir divin, Dieu l'a descendu chez l'homme. Si tu crois, ça sera possible. Jésus dit à ce papa, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dieu lui-même lui dit, c'est possible si toi tu crois. Moi Dieu je crois déjà. Maintenant à ton tour, crois. C'est par lui que cet homme se présente en plein santé. Ah, je comprends bien aimé qu'on peut vivre en pleine santé. Aujourd'hui nous voulons prier. Le mois de juillet ici nous voulons prier. Bien aimé, vivons en pleine santé. Maïsha ya madawa dawa. La vie de prendre à chaque temps des remèdes. Non. Apana ile maïsha. Ça sonne à 6 heures, je dois prendre le médicament. 3 heures après, ça sonne 9 heures. Oui, je dois prendre le médicament. 12 heures, ça sonne. C'est bien de normaliser tout ça. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Nous avons quelqu'un. Nous avons quelqu'un. Nous avons un pouvoir de guérison. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Ah, ma prière aujourd'hui, tout celui qui est venu malade et qui met sa foi en action, lié à ma foi, à moi, aujourd'hui, c'est ta guérison. C'est ta guérison. Le verset 12, on va terminer par là. J'aime ce verset que je cite souvent quand je prie. Regardez le verset 12. Mettez le verset 12. Est-ce qu'on peut les lire tous? Lisons. Tout le monde, nous pouvons lire ce verset. Il faut les retenir. On peut les lire 1, 2, 3. Tu peux reprendre encore, tu lis très bien, comme si tu chantais là, c'est aussi une façon de lire. Est-ce qu'on peut reprendre encore 1, 2, 3? Waouh! Quel verset! Même, tu sais que il versait. Ce n'est pas seulement la maladie. Il n'y a de salut en aucun autre. Quelqu'un qui est malade, Pierre parle du salut. Suivez-moi bien, je suis en train de terminer, on va prier maintenant. Quelqu'un qui est malade, Pierre parle du salut. Et ce salut-là, c'est après la Pentecôte. Donc le Saint-Esprit te dit, la guérison, c'est le premier élément du salut. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est ça 1 Corinthiens 5:17. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi la maladie ne passe pas? Pierre dit, écoutez très bien, dans le salut, il y a la guérison. Frère, dans le salut que Jésus nous a donné, il y a la guérison. C'est pourquoi il a dit, vous prierez pour les malades. Dans votre croyance, il y a aussi guérison. Ushamini, ne crois pas. On avait pas comme et restez toujours malade. 1 malade de naissance. Mais Pierre dit il n'y a pas de salut. En amiri Yesu, la créature en a bona et la reçu la guérison ce matin. En amiri Yesu, la créature bona reçoit la guérison. N'accepte pas que la maladie cohabite dans ton corps avec le Saint-Esprit. Cette maladie, hypertension, avec la tension, le diabète dans ma famille, avec le diabète qui est dans notre famille. Ah bon? Dieu. Ah bon? Donc il t'a tiré ma famille au tapant du coup par la coin. Toutes les familles est venue seulement chez vous. Na wana itchunga sema na kwa yenu. Donc si tu gardes ça comme si ça t'appartenait. Non? Apana. Jésus dit. Le prince de ce monde, il est venu, mais il n'y a rien de lui en moi. Léo, aujourd'hui, je peux aller au-delà. Je ne vais pas aller au-delà. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va guérir les gens. Mungu atatunza bantu. Es-tu prêt? Es-tu uko tayari? Es-tu prêt maintenant de recevoir la guérison? Es-tu prêt? Ne pense pas d'abord aux médicaments que tu as laissés. Ne pense pas d'abord au rendez-vous avec le médecin. Es-tu prêt? Quelle est la maladie qui te dérange? Il y a un nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être guéris. Par lequel nous devions recevoir la solution. Sous le ciel. On n'a pas cité le nom d'un médecin. On n'a pas cité le nom d'un prophète. On a cité un seul nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Enfin, on a cité un seul nom. Le nom de Jésus de Nazareth. On nous dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Ce matin, tu as un seul nom qui va changer ta vie aujourd'hui. Amen. Un seul nom. Dans le salut, il y a la guérison. Juillet, c'est le mois de guérison. Cet homme doit être en pleine santé. En pleine santé. 3 ans. Mettez un peu 3 ans. 3 ans. Verset 2. Ok, commence même par 1, il n'y a pas de problème. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il aime dans la vérité. Écoutez la vérité qui lui donne le verset 2. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Père, à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Wow! Il n'y a pas de prospérité sans la bonne santé. La prospérité et la bonne santé vont de pair. La prospérité, c'est quoi? C'est le succès. Progresse. Continuel. Quelqu'un qui prospère, il est sur le chemin du succès. Il est sur le chemin de la bonne santé. Et il dit ceci. Tu ne peux pas être sur le chemin du succès et être malade. Parce que comme malade, si tu es malade, na makuta ote ikuria. Bilo na penda kasana. C'est que tu veux tellement. Ote bikuria. Tu le sauras jamais. N'est-ce pas Fernand? C'est une vilaine d'eau. Na penda kakure nini? Bilo na penda kakuria tu. Que vous aimez manger. Hein? Kalanga. Kalanga. Toi, lui, il est simple. Bon. Il y en a qui aiment les pizzas. Il y en a qui aiment les shawarma. Nous, quand on était sur le campus, en tout cas, on avait seulement une maman qui préparait bitumbula. Par midi, tout ça, il y avait bon homme. Il y avait bon homme. Bitumbula, ma foule. Maman, ce qui est là-bas, vous allez garder pour moi. Ce qui est là-bas, gardez cela. Pour le moment, c'est les shawarma, les pizza. Nous, c'était mieux yaku kalanga. Quand il m'a mioko bingo vous. Et puis mieux que kalanga, on a comme mon fuku et la chemise. En tout cas, mon gars, tout remis. Je t'aime pas, toi. Eh, tout rité, ça. Ça fait tellement ça. On est dans la mioko parce que quand on doit comment on capata parce qu'il y a un de tes frères il y a ta quoi na kalanga njukuma pistache njukuma abu donc capata vous sonnez la quoi na njukuma lui de capata elle vient avec la mioko avec kalanga. Nous nous venons avec les arachides et les manioc de missionnaire que on a déjà njukuma abu tu connais ah il y a quand même les gens qui connaissent njukuma abu kobantu banaye. Pour le moment, Alikasi, je n'en vois même pas. Alikasi, je suis en acquête. Et quoi, mon? Ok. Mais qu'est-ce que tu as dit? So, de Njukumabu. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Njukumabu. Non, bien aimé. Apana. Il n'y a pas de prospérité. Akuna maendele. Sans la bonne santé. Il a. Jérémie 33:6. Et après, vous mettrez Romains 1:17, on va terminer par là. Jérémie 33:6. Voici. Je lui donnerai la guérison et la santé. Il y a des versets, si tu lis. Comme un verset qui tout. Même en paracétamol, mais il n'a tout pas. Je prends des paracétamol, je jette. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et lui ouvrirai une source abondante de paix. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de guérison, on a difficile à être en paix. Est-ce que j'ai dit faux? La maladie enlève la paix. La maladie enlève la paix. Banapika bien bien avant tout bon. Sois bien préparé pour tout le monde. Ah, par ailleurs, il faut tout m'toucher. Non, il faut quand même enlever paix. Ah, hier, très bien, que tu m'as couru que ma faute. Banaza équation ingine. Commence. Banapika bouy, parce qu'on contrôle banaka mon chou. Préparé du bouy, ils ont fait l'erreur de mettre que tu sais. Turumieko. Oh maman, pardon. Turisa pour te quand tu veux bouy. Nous avions mis du sel. Parce que hier, je courais qu'un chou. Parce que lui ne consomme pas du sel. Il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de paix. Oh, pour avoir la paix, je me rappelle, c'est un oncle à la Katouba. Tellement les enfants se sont tellement embrouillés. Ils ont pris la solution. À Panama, Kumbivi, tout en temps pour compliquer, pour Parce qu'on avait un problème dans la maison. Pour avoir la paix, bien aimé, la maladie enlève la paix dans la maison. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment les gens souffrent quand il y a un malade dans la maison. Comment les gens souffrent? Aujourd'hui, là, Dieu, c'est un Dieu de paix. Il dit à Gédéon, cet hôtel, tu vas l'appeler Éternel ma paix. Dieu veut donner la paix en guérissant certaines maladies. Romains chapitre 1 verset 17, on termine par là. J'aime ce verset. 17, Romains 1, 17. Le livre de Romains, c'est un des meilleurs livres de la Bible. C'est le livre où Paul donne sa théologie. Donc les gens qui vont dans Corinthiens ou dit non, Bitambala, tout ça. Non, là c'était des lettres suivant certaines questions auxquelles Paul devait répondre. Mais Romains, Paul il dit que je vous envoie l'évangile que je prêche. Commencez par le verset 16. Commencez par le verset 16. Paul, c'est là que Paul parle de l'évangile. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Vous savez, souvent, dans nos églises, très peu où il y a l'évangile. Pourquoi l'évangile? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, donc de nous, juif, puis du grec, ceux qui ne sont pas de l'église. Pourquoi? Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pourquoi il dit ça? Je n'ai point honte de l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la solution quand quelqu'un a un problème. Quand quelqu'un a un problème, il cherche la bonne nouvelle. Mais quand tu me dis, cette maladie que j'ai, c'est à cause de moi. Où est la bonne nouvelle? C'est bien, c'est la prophétie. Mais en quoi c'est l'évangile? Ce n'est pas l'évangile. Jésus ne lui a pas demandé. Pierre ne lui a pas demandé. Quelle est la cause de ta maladie? Pourquoi tu es malade? Tu as mangé quoi? Tu as piétiné quoi? Tu es parti où? Non, bien aimé. Ne lui a pas demandé. Pourquoi tu es né aveugle? Non. Il lui a pas demandé. Il guérit. Bonia. Et puis il te donne la solution pour vivre dans la guérison. Va et ne pêche plus. Aujourd'hui, Léo, Jésus veut donner la bonne nouvelle à quelqu'un. Il ne te demande pas la cause. Le pourquoi. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Paka utunzwe leo. Tu seras guéri aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle. Pour le salut de quiconque croit. Il y a okovu ya yoyote ata amini. Du juif. Toki awa yuda. Comme du grec. Donc nous allons partir dans le monde pour donner l'évangile. Pourquoi? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu. C'est ça la guérison de Dieu. La justice de Dieu. C'est ça le salut. En lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi. Et pour la foi. Et selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je dis toujours, quand on lit la Bible, il faut lire. On n'a pas dit que le juste aura la foi le matin. Bien, il aura la foi quand il viendra à l'église pour prier. Il aura la foi quand il va donner les offrandes. La vie du juste devient une vie de la foi. Il dort dans la foi. Il se réveille dans la foi. Il se lave dans la foi. On a la kitambala. Pendant que tu te laves par la foi. Il va au boulot par la foi. Il vit par la foi. Le matin, à midi, le soir, à 14h, à 9h, à 12h. Elle vit dans une vie de miracle. Oh, ce matin, il y a ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tiens-toi debout. Aujourd'hui, ne quitte pas malade. Monte encore. Monte encore. Ne quitte pas malade. Tu as tes mains levées maintenant. Lève tes mains. C'est l'atmosphère de la guérison. Tes mains sont levées. Tes mains sont levées. Oh, il y a quelque chose qui va couler. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, merci. Alléluia. Oh, les instruments nous jouent ce cantique. Du fond de mon cœur coule quelque chose. Bien-aimé, la guérison vient de ton cœur. Elle vient de la foi. Par quel pouvoir? Et à quel nom il a été guéri? Viens leur dire. Je vous dirai aujourd'hui ce qui fait que cet homme se trouve à pleine santé. Aujourd'hui, Léo, tu seras à pleine santé à cause du nom de Jésus. Cet homme qu'on a crucifié et qui est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité le troisième jour. Pour ta guérison. Il n'y a pas de salut sans guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. Juillet, c'est le mois de la guérison. Tu dois vivre en pleine santé. Oh. Oh, merci Jésus. Tu as tes mains levées. Et tu pries maintenant. Quelle est la maladie qui te dérange? Quelle est la maladie qui te dérange? Je prie pour toi. Lève seulement tes mains. Et après tu vas prier toi-même. J'exerce ma foi sur toi pour ton problème. Alléluia. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom que le nom de Jésus de Nazareth pour que ce peuple reçoive la guérison. C'est pourquoi je prie maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans ton corps, dans ton ventre, dans ta tête, dans tes jambes, dans ton estomac, dans ton cœur. Reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, proclame la bonne santé dans ta vie. Élève ta voix maintenant, commence à proclamer la bonne santé. Proclame la bonne santé. Proclame que cette maladie est partie. Proclame que cette maladie est partie. Proclame la fin de cette maladie. Tu me suis à la télévision dans la salle. Proclame la fin de ta maladie. Si c'est dans le ventre, touche ton ventre. Si c'est dans la tête, touche la tête. Si c'est dans les membres, touche tes membres. Cet homme boiteux de naissance a reçu la guérison. Toi aussi, je prie ce soir. Je prie ce matin. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Une guérison totale. Total. Au nom de Jésus, commence à prier. Élève ta voix maintenant, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Refuse toute maladie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse la maladie maintenant. Refuse la maladie maintenant. Oh bien, mais ça dépend de toi. Reçois cette guérison. Saisis la guérison. Saisis la guérison. Saisis la guérison. Saisis la guérison. Oh, alléluia. Je voulais juste imposer la main seulement à celui qui est fatigué et qui ne veut plus de cette maladie. Et qui n'en veut plus. Celui qui est fatigué et qui n'en veut plus, qui s'approche. Seulement celui qui est fatigué et qui n'en veut plus. Si tu es fatigué et pendant que tu apprends, tu dis à Dieu, je n'en veux plus. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que Dieu voit ton cœur. Mungu aone koro yako. Pendant que tu es devant. Wakati uko mbele. Que Dieu voit ta décision. Mungu aone mpango yako. Tu dis a dit, je n'en veux plus. Je suis fatigué. Moi je viens priver. Yes. Merci pour le nom de Jésus. Le nom qui guérit. Oh, yes. Le nom qui guérit. Priver. Ce boiteux a été guéri. La veine a été guérie. Oh. Le paralytique a été guéri. Yes. Seulement au nom de Jésus. Yes. Oh, je le crois. Ça passe ce matin. Je me tiens devant ce peuple pour proclamer la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Parce qu'il est fatigué. Sois guéri. Sois guéri. Cette maladie qui te fatigue. Libère. Sors. Libère. C'est fini aujourd'hui. Libère cette maladie. Libère cette maladie. Libérez-la. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Cette maladie doit partir. Elle part. Jésus, libère, reçois la guérison, au nom de Jésus, cette maladie doit partir, elle part, au nom de Jésus, je guérissais les malades, j'ai guéri cette maladie, au nom de Jésus, j'ai guéri cette maladie, j'ai guéri, je déclare la guérison, elle doit partir. Je déclare la fin de cette maladie. Au nom de Jésus, je déclare la fin. Oui, la fin. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus guérit. Ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. Ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. J'arrête. Mina Shima Misa Imagon. Kati Katina la Yesu. Kwanza Leo. Mina Shima. Mina Shima. Kwanza Leo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il t'assimame, il t'assimame, il toque, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette maladie doit partir, et donc partir. Partir. Toka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au cœur à tous. Léo. Au nom de Jésus. Léo. Toka. Libère. Au nom de Jésus. Libère cette nuit. Adjaou. Libère. Adjaou. Libère ce corps. Vous devez avoir le sang de libère. Libère ce corps. Libère. Libère. Mais là seulement Léo. Il malade, il toque. Il toque. Pour remercier le Seigneur et donne gloire au Seigneur. Si tu as un témoignage à donner de la guérison, fais-le. Et commence à dire merci au Seigneur. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare les guérisons dans la salle. Les guérisons dans la salle. Au nom de Jésus, j'arrête les maladies, quelles que soient leurs causes. J'arrête les maladies, quelles que soient leurs causes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrête les maladies. J'arrête les maladies, même les maladies héréditaires, même les maladies chroniques. Aujourd'hui, je les arrête. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je libère la guérison dans la salle. Au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Nous te bénissons parce que tu nous as donné le nom de Jésus pour être guéri. Je proclame le nom de Jésus dans la vie de ton peuple. À toi l'honneur, la puissance, que la gloire te revienne. Saint-Esprit, merci pour le travail. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, silence à mon cœur.